J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des boupillés. Jusqu'à Terry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux femmes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Faux Dieu, à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. Yeah.